Normal. Avant que le peur me fasse du bien, j'ai souvent fait les choses mal. L'envie plus gros que le ventre dans mes yeux des opales. Les visages pâles qui ne voient pas d'un bon oeil, qui sur les miens s'étalent comme Hortefeux de Nice à bon oeil. Tracer des cercles sous mes panards à Hollywood. Mon croon secte au futur Sénat à Hollywood. Malgré le hood, on a mené la barque vers le Nirvana. Gros W sur la coque et qui vivra nous verra. On fait les choses bien, car on rappe sale. Les faux culs qui médisent ne méritent que mon Hamza. Quand truqués sont les stats, que l'élite est en Hesla. Même sans buzz, mes fans dans les bacs font des razzias. On fait les choses bien, bien, normal. Depuis qu'on graille, c'est qu'on croit au paranormal. Le titre on détient, normal. On tient les pas quand les mythos rêvent de comeback. On fait les choses bien, bien, normal. J'ai le son qui flingue, qui peut trouver ça anormal. Le titre on détient, normal. Seul parmi les singes à la recherche de mes semblables. Quand je les vois sur le net, c'est gosillé comme King Kong. Soyons honnêtes, qui est sûr de bousiller quiconque. Étant correct, je renvoie le bien comme au ping-pong. Retiens bien, le respect se gagne comme les Vietcong. J'ai entrevu la brèche et pénétré sans forcer. Pris mes défaites en patience pour la victoire appréciée. À côtoyer les anciens, j'ai appris mieux qu'à l'école. À part le peu d'inspire que j'ai trouvé dans mes heures de colle. Connu des parias, ça de paria. Seima, enfant ghetto comme rappé Salia. À vouloir se frotter au black, le bleu se salira. De nos yeux rougis par la bleue, la colère jaillira. J'ai eu des colloques, africains mettent dans la pègre. Pour faire la fierté des blocs, personne ne reste intègre. Doucement mais sûrement, comme le dirait Demon One. J'ai plus de GAV mais d'étoffe quand me pète la doigt. On fait les choses bien, bien, normal. Depuis qu'on graille, c'est qu'on croit au paranormal. Le titre on détient, normal. On tient les pas quand les mythos rêvent de comeback. On fait les choses bien, bien, normal. J'ai le son qui flingue, qui peut trouver ça anormal. Le titre on détient, normal. Seul parmi les singes à la recherche de mes semblables. Si le rap est un voyou qui s'attend à ma perquise. Quand ça cache la coke dans des peluches comme Monsieur Perkins. Squatter des parkings m'a éloigné des startings. Et les carjackings n'ont jamais fait de dunking. J'suis pas un matador mais vise les tocos si t'es bluff. Avec les meufs mes rimes ont la cote et leur cynique que bluff. Tu peux briller même avec la gueule à Martins. De passer du Clio un demain à l'Aston Martin. On fait les choses bien, bien, normal. Depuis qu'on graille c'est qu'on croit au paranormal. Le titre on détient, normal. On tient les pas quand les mythos rêvent de comeback. On fait les choses bien, bien, normal. J'ai le son qui flingue, qui peut trouver ça anormal. Le titre on détient, normal. Seul parmi les singes à la recherche de mes semblables. Normal, on dit ça comme d'hab. Normal, on dit ça comme d'hab. Normal, on dit ça comme d'hab. Normal, on dit ça comme d'hab. Hey, c'est normal, on dit ça comme d'hab. Hey, c'est normal, on dit ça comme d'hab. Hey, c'est normal, on dit ça comme d'hab. Comme d'hab, on dit ça comme d'hab. Hey, c'est normal, on dit ça comme d'hab. On dit ça comme d'hab. On dit ça comme d'hab.